Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. 18h15 sur Skyrock, c'est parti pour Skyrock Classics, la nouvelle émission de Skyrock qui déchire tout tous les dimanches. Entre 18h et 20h, on se refait les meilleurs sons de Skyrock depuis qu'on est premier sur le rap. Et attention, ce soir, un très très beau programme. Premier quart d'heure, je vous annonce 50 Cent avec Disco Inferno, Luniz, I Got 5 on It et La Fouine, Soprano, C'est Few. C'est parti pour Ça fait mal, c'est Maxime avec vous jusqu'à 20h, mettez-vous bien. La cour de récré du dimanche soir, c'est sur Skyrock que ça se passe, c'est Skyrock Classics. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow sounds thick over Dre drums, nigga. I ain't stupid, I see Doc. Then my dope come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic. She moves, she's so erotic. I watch, I'm like, bounce that ass, girl. I get it crump in here, I make it jump in here. Front in here, we'll thump in here. Oh, so gutter, so ghetto, so hood. So gully, so grimy, what's good? Outside the Benz on dubs, I'm in the club with the snug. Don't start nothing, it won't be nothing, Little mama, show me how you're moving. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Little mama, show me how you're moving. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Let's party, everybody stand up. Everybody put your hands up, let's party. Everybody bounce with me, sip champagne and burn a little greenery. This hot, disco inferno, let's go. You're now rocking with a pro. I get dough to flip dough to get more for show. Get my drink on and get on the dance floor. Look at me, I don't dance, all I do is this. It's the same two-step with a little twist. Listen, peppin', I ain't new to this, I'm true to this. Pay attention, boy, I teach you how to do this shit. We mix a little crisp with a little Dom Perignon and a little Hennessy, you know we finna carry on. Mollin' at the streets in the club, tryna get right. We gon' be up in this bitch till we break daylight. Daylight. Little mama, show me how you movin'. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Little mama, show me how you movin'. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. You see me shining, lit up with diamonds, cause I stay grinding. Homie, you could catch me swooping, Bentley coupin', switching lanes. You see me rolling, you know I'm holding, I'm out my paper. Yeah, nigga, I'm serious, I ain't playing. I'll embed it in your brain, I'm off the chain. G-Unit, next level now, turn it up a notch. M and Dre sent me to tear up the spot. Front on me, oh no, you know I'm loco. Hands up on the dance floor, okay, let's go. Little mama, show me how you're moving. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Little mama, show me how you're moving. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Creep on in, on in, on in. See, I'm riding high. Whoa. Kinda broke the scene, y'all, so all I got is fire. I got fire. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spin loogies. When I puff on it, I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs, and if you let them hit it for free, you hella dumb. I come to school with a tailor on my earlobe, avoiding all the flick teasers, skeezers and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee, the serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie, cause homies snag me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheek. What's up, don't babysit that, better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty, but the Tango Ray straight had me. Stop at the light, man. My yesternight thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2-0, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land getting smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, is all you do, kicking feet. Cause we're IBs, we need tap like a foo-foo. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock Classics. Okay, okay. This is the remix, baby. Oh, ma fouille. Sopra papa. Zizi. Yeah. Sortez-moi, sortez-moi. Yeah, ma putain de banlieue sale entre la côte. On me raconte, il était petit, trouve ça à la mode. Pour les potes, j'ai toujours 2-3 tasses dans mon bolide. Pour les chaloux, toujours 2-3 balles dans mon prolique. Le casque, une pécane, négro, ça peut se terminer là. J'suis trop loin, j'suis sponsorisé par la NASA. Toujours au pied dans la rue, les cups, les tasses me matent. Négro, j'défonce, j'ai le flot coupé au bicarbonate. Les jaloux parlent trop, voudront jamais se terme. Allez, j'la chatte, de la chatte à la chatte. Alors grand mal. Dangereuse et ma banlieue, mais t'inquiète, je gère. 27-8, on coule à force de manger des pierres. Yeah. Quand tu embrouilles, les balles train se chient dessus. Attrape, on a des guns, nique sa mère le jujitsu. Et on vous fuck, j'm'en bats les couilles, j'prends mon pif, bientôt j'me pars en Royal Air. Ton meilleur pote, ta poucave, ça fait mal, ils sont 6 t'es dans la cave, ça fait mal, quand les keufs te soulèvent, ça fait mal, il t'en reste un peu sur les lèvres, ça fait mal, nouvel album dans les bacs, ça fait mal, il est lourd, il met des claques, ça fait mal, t'es arrivant, j'suis libérable, ça fait mal, le champagne est sur la table, ça fait mal, ça fait mal. Tu vraiment pouvoir stopper le mbab pas de l'âme cicatra. Alors que Mike, t'es aussi vrai que le Saint-Carmen Electra. Hala, hala, dans les quartiers de France et dans les villes d'Afrique. Hala, hala, soprano baba, pour le Mike, de bar, de rage, pour les chiens de la carte, pour les mecs, on a d'alcool, mais à l'éca. Pour le frère qu'on a mis au Mita, pour le frère qu'on a accent de Bleda. C'est la wa. Voilà encore un flow digne d'un combat de boxe. Une connexion plus attendue que dit. Mon flow a les poumons noircis, à force de fumer du MC. Il se promène dans d'autres galaxies, sans fil, réside sur Pluton. Pendant que sur Terre, ça rappe comme Coxy. Oui, y'a mes enfants sur le gun qui a tué ta carrière. C'est bien ton crâne, la tête de mort sous toutes nos bannières. Yeah, quoi de neuf, Winnie baby. Comme dirait Wizzy, v'là le remix baby. Ton meilleur pote, ta poucave, ça fait mal, ça fait mal. Ils sont six, t'es dans la cave, ça fait mal, ça fait mal. Quand les keufs te soulèvent, ça fait mal, ça fait mal. Il t'en reste un peu sur les lèvres, ça fait mal, ça fait mal. Nouvel album dans les bacs, ça fait mal, ça fait mal. Il est lourd, il met des claques, ça fait mal, ça fait mal. T'es arrivant, j'suis libérable, ça fait mal, ça fait mal. Le champagne est sur la table, ça fait mal, ça fait mal. Oh, moi j'suis le Hamas face à Mahmoud, t'en passes mon number, c'est le 0693 partout. Raf, j'habite où, où? Pété, fou, j'habite à Olesou, c'est mon Molotov, c'est F.O. Oh, j'applo, obèse comme Roselyne Bachelot. C'est qui baise? C'est mon Molotov, car en action. J'rappe au rigolant, violent, c'est pas marrant. T'es mourant, j'serai là à ton enterrement. Contre pas solo, c'est faux volant. Kiki violent, coucou courant, Didi Pac, t'es pas au courant. J't'ai tété des branches de courant, caca casse-toi, t'es trop collant. Tu vas coucouler ton culé, comme l'Ormanou tout sur sang, gros. Fais pas belle année, Sopra Zaef Laoné. Espèce de counasse, on couche ta colonie, gros. Recule, casse-moi pour les couilles, ou j't'en colline, dis ça, ha. Le j'pense, j'comme le j'ai son mot. Dans une cage d'escalier, on peut le faire. On peut finir à l'hôtel, s'il y a plus de place, sa mère. Il reste ma banquette arrière, yeah. Il reste ma banquette arrière, yeah. Il reste ma banquette arrière. Dans une cage d'escalier, on peut le faire. On peut finir à l'hôtel, s'il y a plus de place, sa mère. Il reste ma banquette arrière. Il reste ma banquette arrière. Il reste ma banquette arrière. Yeah, yeah, yeah. Comme neuf, son lit baby. Ça fait mal, frère. Skyrock Classics. Established. I ain't tryna lead your own, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available. Don't mean I know these wanna settle you. Gotta say you on my short list of few. The mother dudes is okay, but I'm feeling you. Want you in the best way. What you gon' do about it? Why don't you just test me? You won't wanna do without it. No, I'm coming at you hard, eating the thug, and I ain't giving up till I get that gangster love. Always my tight, hair done, outfit crazy, skirts fit just right. White feeder with a banging tan, walking, demanding all eyes. Baby, here I am, ain't ashamed of my frame, and I know you're watching. Putting on a show for you, popping, I ain't stopping. Lot of action in your corner, yeah, you're doing it too. Only thing to make it better, though, is me with you. And I know you're feeling that regardless of your fronting. And I heard through the streets it was me you wanting. Let me find out you shy or something, but I know you're not. So stop the games and approaches, you really not. Now it's in place. Shouldn't have took you so long in the first place. I'm just playing cutie. Yeah, give me your call. No, it's cool, you ain't gotta see me to my car. I'm a big girl, but you'll find out. Stuck for me while I drop top and ride out. Will spin it, wanna know what shorty all about. But it's cool, I'm drooling and these words is coming out my mouth. It's that gangsta loving, that just got me bugging. Skyrock Classics, la nouvelle émission qui déchire tout le dimanche soir entre 18h et 20h pour bien terminer le week-end. C'était EVE avec Alicia Keys, Gangsta Lovin à l'instant. Il y a Snoop qui se prépare, Snoop Dogg avec R. Kelly. C'est That's That sur Sky qui arrive. On file au Canada juste après avec Drake. Drake, c'est Hold On, We're Going Home sur Skyrock. Du son rap français aussi avec La Clinique, La Playa et les Destiny's Child avec TI sur Skyrock. Skyrock Classics jusqu'à 20h. Skyrock Classics, Classics. Kayla 2SIKS. The royal penis is clean, your highness. Thank you. Snoop, Kales. You know how we get out. Phantom with the wheel spinning, ladies like I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like in the spot where the girls go wild, dancing titty bar style. I'm like Snoop Dizzle, hey, your boy Kales, hey, let me hear you say. Let's get this party jumping. Me and Kale gon' get it bumping. They humping like when it's over. We gon' all get into something. The dog is fresh, Southside without a vest. Nothing on my chest but these ladies about the Midwest. I must confess that in the shy you're so blessed. Leaving nothing on my mind but doggy, you would say sex. This ain't a test, you fucking with a cold mess. Meet me in Chicago, let me give you to this real west. It's real strong, real fat and real long. Doggies in the building holding something they can feel upon. And once they get it, something they can build upon. Take that skinny nigga home, work that feeling till it's gone. Get that homegrown, put that shit on daddy long. I know how you ladies do it, t-shirt with no panties on. Let's get this shit cracking, Kellen doggy, dog in action. If you in here all alone, you might get this dog bone. I pull up, dip low in the Phantom with the wheel spinning, ladies like I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like in the spot where the girls go wild, dancing titty bar style. I'm like Snoop Dizzle, hey, your boy Kales, hey, let me hear you say. Dipping low, 6-400 spokes and chronic smoke. All these ladies on the floor, cause they know what we in it for. Dog and Kelly came to ball, get your ass up off the wall. Let that middle wiggle, now make that shit fall. Not just one, but all y'all, move it like you want it all. Let me see you bounce it for me, work that shit for doggy dog. You got to do it, that your crew, bring them too. Come here, let me take you through it. Then what's Kelly getting to it? We can get this after party. Popping everybody, got themselves another body. Knocking out without protection, no, that's my confession. But at the spot, if you just think you want the lesson, you can drop it like it's hard. Hold up, I came to cool out, lay back and get blown. Maybe Henny, maybe gin, a couple shots of Patron. And if you didn't, you missed it, but now it's known that this, that shit, Kale, sing that song, come on. I pull up, dip low in the Phantom with the wheel spinning, ladies like I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like dance, dance, shake. In the spot where the girls go wild, dancing titty by style, I'm like dance, dance, shake. Snoop girls, oh hey, your boy girls, hey, let me hear you say dance, dance. So if you think you got the bomb shit, holler at a player, holler at a player, holler at a player. And if you're looking for some good sex, holler at a player, holler at a player, holler at a player. Girl, if you're ever in the 312, holler at a player, holler at a player, holler at a player. And if you're ever in the 213, holler at a player, holler at a player, holler at a player. I pull up, dip low in the Phantom with the wheels spinning, ladies like I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like dance, dance, shake. In the spot where the girls go wild, dancing titty by style, I'm like dance, dance, shake. Snoop girls, oh hey, your boy kills, hey, let me hear you say dance, dance, shake. Sur Skyrock. Classics. plage, que j'admire le paysage. Laissant de loin le mauvais côté du beat, tu mets un mirage. Il y a des rats aux fessiers plus généreux de l'alcool, ça sent la chirée. Le papillon en raffole. Les personnes jalouses m'observent, me prennent en photo, comme dans un film dont je suis le héros. Alerte à Malibu, je me jette dans les vagues. Une tasse pêche se noie, c'est si bon pour la drague. Que d'applaudissements, j'ai sauvé une vie. Mais rien n'est gratuit, la victime sera ce soir dans nos lits. Je déguste un cocktail vu harnais sur la tête. Signe des autographes, que veux-tu, je me la pète. Je rentre à l'hôtel, on me file ma suite. Ce soir j'invite mes lasses car les serveuses ont des fuites. Pas de panique, la clinique te donne le déclic. On a tout le temps, on savoure d'abord les... Le lendemain matin, vers 15h de l'après-midi, tout le monde se lève. Dans la chambre, c'est l'orgie. Des femmes sans culottes, à terre des capotes. Les sourires joyeux des putains, donc des lustres hypotes. Bon, direction la piscine de l'hôtel. On crache d'abord les billets pour les femmes afin qu'elles reviennent. Je pique une tête, c'est alors que le bob m'interpelle. Viens avec ton gang, ma chambre est la 27. Que c'est bon, ok, on y sera. Préviens tes copines car mes sauts sont plus nombreux que les casseurs de vitrines. On se rhabille, on va flamber au casino, la roue tourne. Faites vos jeux. Ramasse les lagos. On dîne dans le restaurant le plus chic de Cannes. On nique le bénéfice, c'est ma tournée générale. Seul problème, on n'a pas la caisse pour entrer. Mais ces mesdames vont se faire un plaisir de nous accompagner. J'avance avec ma famille, 18 degrés, la chaleur d'un soir d'été, c'est la lune qui brille. Bar à cocktail, on s'installe, c'est karaoké, 24 karaoké, ok, tout saigne, me la paye. Je veux la flamper, j'ai pas le temps, j'm'empare du micro. Enlève nous glo-glo, mais laisse tout qu'on fasse un putain de morceau. Apparemment ça plaît, ce soir on va bien dormir. 10 numéros de portable en poche, on n'a qu'à choisir. La nuit ne fait que commencer. Tout sur le sable autour d'un feu, la volonté c'est si bonne qui fait. Viens les joints, se font tourner la tournure, que prennent les cheveux jouissants ces grandes foncées. Pas même un gyrophare pour obstacle, les gendarmes se joignent à nous. Voir un petit coup c'est agréable. Et tout se finit dans une ambiance de rêve. Je m'endors sur la playa, soleil levant, je me réveille. Vous écoutez Skyrock Classics comme tous les dimanches soirs, vous avez bien raison, avec la clinique à l'instant en Playa et le message de Vicky. Salut Maxime, peux-tu passer un petit message sur la clinique à mon pote JP qui se marie, à tous mes collègues d'Erta Lausanne. C'est dans le 69, bah ouais, bien bon Erta, les saucisses, les croque-monsieur, moi j'aimerais bien gratuit hein, si tu peux m'en envoyer. Il y a l'autre message aussi qui faisait bien plaisir, c'est Youssef de Marseille, toujours fidèle à cette nouvelle émission. Vous êtes les meilleurs de la bande FM, vous diffusez des sons inédits et merci pour ça. Bah t'inquiète, ça ne fait que commencer, c'est jusqu'à 20h Skyrock Classics avec Inikamos qui arrive comme The Hot Stepper. Il y a aussi Passy, Joseph Pejemat et Soldier. C'est Destiny's Child maintenant avec T.I. sur Skyrock. Where you got it, I'm the hottest around. They'll know when they see you rolling them pilas around it. I got a soldier. With the top down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs. Riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When them lanes be spitting at you, tell them don't even try to shoot it with Shell and kick it with Kelly or holler to be you. Gotta be G's, you way out of your league. We like them boys that be in them legs leaning. Open them out, they grill gleaming. Candy paint, keep that whip cleaning. They always be talking that country slang. We like that beat, they be in the back beating. I see so low from that chiefin'. I love how he keep my body screaming. A rude boy that's good to me with street credibility. If your status ain't hood, I ain't checking for him. Better be street if you're looking at me. I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Known to carry big things, if you know what I mean. If your status ain't hood, I ain't checking for 'em. Better be street if you're looking at me. I need. we like them boys up top from the BK. Know how to flip that money three ways. Always riding big on the freeway. With that East Coast slang that us country girls we like. Low cut Caesars with the deep waves. So quick to snatch up your Beyonce. Always coming down, popping our way. Telling us that country girls are kind of girls they like. I know some soldiers in here. Where they at? They wanna take care of me. Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Don't mind taking one for me. Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? They wanna spend that on me. Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Don't mind putting that on me. See, cash money is an army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant. Body marked up like the subway in Harlem. Call him Weezy F baby. Please say the baby. If you don't see me on the block, I ain't trying to hide. I blend in with the hood. I'm camouflage. Bandana tied. So mommy join my troop. Now every time she hear my name, she salute. I like them boys over there. They looking strong tonight. Just might give one the phone tonight. Homie in the dickies in my zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If his status ain't hood, I ain't checking for him. Better be street if you're looking at me. I need a soldier and he's scared to stand up for me. Known to carry big. If you know what I mean. If his status ain't hood, I ain't checking for him. Better be street if you're looking at me. I need a soldier and he's scared to stand up for me. Gotta know to get going, he better be street. I know some soldiers in here. Where they at? They wanna take care of me. Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Wouldn't mind putting that on me. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock, en version originale. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Number. No, we don't die. Yes, we must. Ching ching, here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still heavy like that. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah man. So what do we? Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Right. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow, yeah. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up a crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a living, I'm a danger. Sur Skyrock, Skyrock Classics. Câblé, sur télé, l'image, le son sont mes spectres. Les programmes, je bec, les directs, je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Aux sagas des séries et au bang bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi l'émission. Argo, Margo, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo. Comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis un téléphile au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub dans les films. Je veux du feu, de l'amour et de l'aventure. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. La 2, télé allumée, même sous la couette elle m'appelle. 19h, je suis avec elle, comme un mini ou 14h. Quand je me lève en jogging, je veux des maths à bonheur. Marié, deux enfants, faire du télé-shopping. Moi j'ai un peu melon, des pompons cuir à papa connu comme Cousteau. Je veux des jumeaux. Jekyll, Jekyll, un Cosby Show. Mon chien sera Scooby-Doo et se tapera la scie. Les histoires naturelles dans ma maison dans la prairie. Placer ma famille en or, oh, dans la pyramide. Sortir de la zone interdite et des histoires stupides. Un beau cabriolet d'amour, gloire et beauté. Oui, je suis matérialiste. Je veux ce que je vois dans le poste. Les couleurs de mon pays, sagacité, mon trop traîné au poste. Je lance la roue de la fortune, j'ai ma chance dans la chanson. Mes lettres valent du chiffre, je hais les artistes à 2 francs. Facile à chanter, tocard, je mets ton clip sur le boulevard. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre, de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Troisième mi-temps, tout le sport, je suis fou de téléfoot. Je suis la télé le dimanche, l'équipe du dimanche me branche. Gère dans la marche du siècle, parle-moi de capital. Y'a trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages. Tout est possible, manipuler sous projecteur contrôlé à la télé et nulle part ailleurs. T'y crois pas sans aucun doute, ça se discute. Taratata, j'abats les masques, bute l'image qui percute. Reload, Dimat n'est qu'une histoire de genre. Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info. Sors ton œil du cyclone, t'as perdu de vue le vrai du faux. Quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Survolté comme un taureau fou, j'ai le syndrome du canapé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Y'a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Thank you. Classix, animé par Maxime. Call of, c'est Skyrock Classics entre 18h et 20h avec les meilleurs sons de Skyrock depuis qu'on est premier sur le rap, rap R&B non-stop. C'est Neyo qu'on écoutait à l'instant, Miss Indépendant, Independent comme on a dit aux États-Unis un peu. Et la semaine prochaine, pour être indépendant, faut de la thune, 1 500 euros. Et attention, il n'y a pas que 1 500 euros, il y a 4 000 euros de cadeaux à choper. Soyez là à partir de 6h demain matin pour noter le premier mot de passe, il y en aura un par jour. Et si vous avez les 5 mots de passe, vous pourrez gagner, voici la liste: un iPhone 6S, un Samsung Galaxy S7, un chèque de 1 500 euros, une PlayStation 4, un week-end pour vous et 3 personnes de votre choix à Disneyland Paris avec le tout, la totale, le transport, l'hébergement et les deux parcs et les concerts Skyrock de Rihanna, des places par deux, Rihanna, Nekfeu, Maître Gims et Chris Brown, tout ça pour vous entre 6h et 9h toute la semaine prochaine. Réveillez-vous bien demain matin, branchez bien le réveil et puis prenez un petit stylo pour noter tous les mots de passe. Skyrock Classique, ça continue avec, attention, Dr. Dre, Eminem, What's the Difference. It's just that I'm too damn big to pay attention to him, that's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. Avant 19h, à écouter, c'est ça, c'est Dr. Dre, Eminem, et puis DJ Kops et IAM, Sad Hill sur Skyrock. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock, Skyrock Classics. Wow. What's the difference between me and you? Me and you. You. What's the difference between me and you? Me and you. Back when Q was rolling with Lorenzo and a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you, and that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is. And who I'm still cool with. Then I got these fake ass niggas I first blew with, claiming they non-violent, talking like this. Spit venom in interviews, speaking on reunions. Move units, then talk shit, we can do this. Until then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors. It's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never dead with emotions. Why you try to perpetrate, play with it? Never knew about the next level until Dre did it. I stay committed while you motherfuckers babysit it. I smash the critics like an overhand right from Riddick. Come and get it, shitted on villains by the millions. I be catching bitches while bitches be catching feelings. So what the fuck am I supposed to do? I pop bottles and hot hollow points at each and all of you. Come on. A heartless bastard, high and plastered. My style is like the reaction from too much acid. Never come down, pass it around. You can't handle it, hang Hollywood niggas by they Soul Train laminate. What's the difference between me and you? What? I bought 5 bank accounts, 3 ounces and 2 vehicles. Until my death, I'm Bangladesh. I suggest you hold your breath till ain't none left. Yo, that's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never dead with emotions. I'm used to living big doors down with straight coats. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't know what you're supposed to do. I act on what I feel, but never dead with emotions. I'm used to living big. I got something to say, Dre. I wanna tell you this shit right now. While this fucking weed is in me, fuck? I don't know if I ever told you this, but I love you, dog. I got your motherfucking back. Right. Just know this shit. Slim, I don't know if you noticed it, but I've had your back from day one, nigga. Let's blow this bitch. I mean it, dog. You ever need somebody off? Whose throat is this? Well, if you ever kill that Kim bitch, I'll show you where the ocean is. Well, that's cool, and I appreciate the offer. But if I do decide to really murder my daughter's mama, I'ma set her up in the front seat and put sunglasses on her. Cruise around with her for 7 hours to California and have her waving at people. Aye. Then drop her off on the corner at the police station and drive off honking a horn for her. Wrong dog, get your arm gnawed off. Drop the sword off and beat you with the piece of a sawed off arm. Fuck blood, I wanna see some lungs popped up. Get shot up in the hot tub till the bubbles pop up and your nose and cough start up. Nuke some hot water. That's for trying to talk like the chronic was lost product. That's for even thinking of having them thoughts start up. You better show some respect whenever the doctor brought up. So what's the difference between us? We can start at the penis, or we can scream, I just don't give a fuck and see who means it. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never dead with emotions. I'm used to living big doors down with straight coats. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never dead with emotions. I'm used to living big. Skyrock Classics, la toute nouvelle émission de Skyrock. Ce cimetière. Quel cimetière? Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Sad Hill. Liste colline, l'idée de péril. Terre stérile, terre puérile. Et si tu perds la vie, reposera ta carcasse de crevard. Tout près d'un sacré bon paquet de dollars. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses. 9-7, le son à max, les nerfs à vif crasseux. Cerveau ambigu, le désert crée des alus. Sorti de là, tanné, les corps raides m'atteignent. Blondin, veille sur mes sangles, qu'importe l'angle. Regarde ces ploucs à qui je sers de poutre. Qui joue le rôle du chou, qui traîne les moutes, qui tient la route. T'es U, co, U, poste en cul, je vise le magot. Voyage léger, ma plume est flingo, assiégé. Pratique le vice par excellence pour manger. Tout est bon à prendre, gringo, quand t'en vas te pendre. Un espoir, j'y pense plus, je représente la fraîcheur qui pue au sein des miens. Dans les cendres, la résistenza. Mon frère est curé, écœuré, je cure des blindés. Père des pères, excusez, cherchez le dollar. Aïe à mon tête, sans les dollars. Serre mes verres au comptoir, règle, raid. Un whisk ça aide, tout coup une bête. La terre maudite, mon clan, pour elle je plaide. Tintin, vas-y, prends du bon temps. Car le jour où tu vas tomber, ça va faire un sacré bouquin. Foucault. Liste colline, on est de péril. Terre stérile, guerre puérile. Et si tu perds la vie, reposera ta carcasse de crevard. Tout près d'un sacré bon paquet de dollars. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je brise le mythe, les cowboys sont des merdes. Que cette phrase soit écrite dans la légende, dans mon journal intime au pan-titre. Regarde là ton idole, un poupe plein de bouse. Un mec de l'ouest refait une tentouse. Un pecno qui pue le bœuf sale. La classe, voyage sur un étalon. Étalon, le stress dans les salons salauds. Au galop, le pétalon rejoint la sol morte. Je balade avec une chorale de poire toute cunue sur une jument qui chante à ma gloire. Ex-dollar, voleur au bled, des crates plein de molars où tu payes en dollars. Regarde ces clochards tankés dans les saloons. Tocard qui flambe au poker. Mon atout est plus bad, même pleine de jokers. Ma fonction, débusquer les coups et pratiquer ma ponction. Cauchemar de padre, champion de l'extrême onction. Flingue les bourragas pour une poignée de moula. Propre impec net, nécrochus, yeux tirés boula. J'irai à pied à Sad Hill s'il faut creuser la terre avec mes dents pour toucher le magot. Et si la prime brille au bout d'un désert, mec j'en traverse un, renverse un peu de bière pour ces crétins sous mon traversin. Sentenza. Triste colline, on est le péril. Terre stérile, guerre puérile. Et si tu perds la vie, reposera ta carcasse de crevard. Tout près d'un sacré bon paquet de dollars. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Un camp de pierre annonce l'arrivée du soleil. Le cul à l'air dans mes bottes, une bouteille à la main. Je m'éveille, la bouche pâteuse, le bandeau en travers. Les plumes, pas d'accord, la gueule dans le coussin. Le pop du kidnapping, je me présente. Joe l'Indien, le teigneux, brisé au peyote. Veille sur sa cagnotte, Sadil, la terre promise. Porte la marque de mes bottes, les Black Hills. Ma grotte, j'y traîne des gringos si ça me botte. Et c'est rare quand ces choses se font pas dans le froc. En route depuis El Paso, des jours que j'en chie. J'ai dû flinguer 25 John Wayne et une quinzaine de Butch Cassidy, scalper les cas. J'ai rangé mes cotes dans les sacoches, y'a plus de manches. Trop d'encoches, tracé. Ma voix me guide, faut pas te placer sur la mauvaise case. Et sache que mon tomahawk me lâchera jamais. Je suivrai ta piste, un bon guerrier HH. Le salapache laissera des indices pour que tu te caches dès que je pars en chasse. Mauvais, comme un mescal fredaté, élevé au tourboyau qui réveillerait un macabé. Pire que Géronimo, l'Indien sévit. Sors le gousset, des gommes ce qu'il y a sous le chapeau. Et si tu traînes sur colline, moi kidnappé ta squaw. Joe l'Indien. Triste colline, on est le péril. Terre stérile, guerre puérile. Et si tu perds la vie, reposera ta carcasse de crevard. Tout près d'un sacré bon paquet de dollars. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Sad Hill, Sad Hill, Sad Hill, Sad Hill, Sad Hill. Skyrock Classics entre 18h et 20h tous les dimanches, que du plaisir, que du gros son pendant 2h avec DJ Keops et Ayam à l'instant. C'était Sad Hill, et pour la petite histoire, Sad Hill, c'est le nom du cimetière dans un film, Le Bon, la Brute et le Truand, hommage au film de Sergio Leone par Ayam, le son marseillais d'Ayam à l'instant. À 19h03, on est reparti pour une nouvelle heure de Classics entre 18h et 20h. C'est la nouvelle émission de Skyrock avec Eminem et Rihanna, retrouvez tout de suite. Voici Love the Way You Lie, Doc Gineco juste après, Né Ici et Will Smith, c'est Miami sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock, Skyrock. Here we go again. Premier sur le rap. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, it's long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Chills used to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, it's the phrase that the culprit controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, 'cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay. We said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way. Heures, 20h, Skyrock Classics. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées. Les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le Colombo, les plats épicés. Y'a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre, mélanger citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou la Monie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi, Timal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter, frotter. Et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et l'excelle. Deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Pour rester bronzées, elles brûlent sous UV. Toujours fâchées, la fille de la ville est agressive comme un flic en civil. Y a comme une odeur de gaz sur les Champs-Élysées et des bombes pètent dans le RERD. Ma mère est fatiguée, je la laisse respirer. Je vis de mon côté et tente de subsister. Arrête de rapper, me crie-t-elle toute la journée. Ce n'est pas sérieux, trouve un métier. Fumer, ça donne faim, je suis Arsène Lupin. Je tape AED, même sans les mains. Sur mon canapé, on est moins serré. C'est sûr, certains se sont fait soulever. Je pense aux novices et n'oublie pas mes complices. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Je veux porter des shorts toute ma vie, avec mon escorte, quitter Paris. Manger du poisson grillé sur la plage du Gosier. Prendre des bains de mer avec le ministère. Mais je me suis noyé, je ne sais pas nager. Les rues sont profondes et mènent tout au boulevard Ney. Comment s'en sortir pour la fille du quartier? Elle croit que pour percer il faut se faire trouer. Certains jouent au foot et veulent devenir pro. D'autres deals et rêvent de kilos. Les seringues mortes se ramassent à la pelle sur les trottoirs de la rue La Chapelle. On protège nos fils de tout ce vice. Dans les cours d'école, on ne sniffe plus de colle. Drogue et alcool ont pris le monopole. Ma vie n'est pas simple, elle n'est pas funky. Moi je suis né ici et mon enfant aussi. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip, ladies have dress full of your quip, and they be screaming out, so I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean cities with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the bell. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break. called Chi-Town, got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to my room. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to my room. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to my room. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. La première fois, c'était sur Skyrock, Skyrock Classics. Mister Ambiero, Roldán de Oricha. Sabemos dónde estamos, sé qui on est. Sabemos quiénes somos, sé où on est. Y sabemos dónde vamos, sé où on va. J'écris ce texte au bord de la rupture d'un névrisme. Africain, latino, lyrical, tourisme. En première classe, on charter. L'essentiel, c'est le voyage. Le son berce du hublot, je mate les nuages. On aime la vie, bien qu'elle s'obstine à nous mettre des coups. La ghetto froideur peut te réchauffer comme dans un igloo. Tant qu'on est libre, faut pas se plaindre, pense à ceux sous écrou. Où qu'on soit, on conçoit tous de sortir ce trou. Les mêmes convictions, car à dégoût, notre bonheur est de nous reproduire. On a pris coup d'égout. La vie dégoûte tout ce qu'on appelle à tes côtés. Tu veux violer la chance et te laisse à peine la tripoter. Ceux qui se contentent de peu vivent mieux. La plupart des riches, nerveux, prétentieux, ignorant Dieu. En mon âme et conscience, je fixe le miroir, me dis ça c'est moi. Je retiens l'espoir du bout des doigts, y croire, c'est tout ce qu'on a. On n'attend pas la météo pour mettre un gilet sous le pull. Moi je veux une fille qui me ressemble, qui cache son boulet avec un petit pull. Que des foules et clopes en vitrica et OSO. Imagine Tony Man, ils épais Quenio danser sur ce morceau. Mais dans nos cités, c'est le contraire. Rien que ça tire avant de partir. Pitié pour qu'il te protège. J'arrive au bled, je suis pas président. Et le peuple en cortège, je me fais yèche dans l'officialité. Plébiscité, je fais tout avec sincérité. Pas pour la publicité. Ça se reculter la richesse en soi. La poste au côtoie. Pas la peine, chercher les problèmes. Ils viendront vers toi. La vraie réussite est de maîtriser, minimiser les dégâts. Excuse bébé d'avoir victimisé ton gars. Trop de cadeaux. Le Père Noël veut plus descendre. En banlieue, je fais de l'ombre au 25 décembre. Y Roldán. soir, vous écoutez Skyrock Classics, premier sur le rap avec Rof et Orichas, c'était Zone Internationale. Une découverte Skyrock, évidemment, c'était en 2004 d'ailleurs, tiens. Gros souvenir de Rof à l'instant. Et le futur, ça se passe sur Skyrock avec la semaine prochaine 4 000 € de cadeaux à choper entre 6h et 9h. Réveillez-vous demain matin et toute la semaine avec le morning de Difool. Il y a un mot de passe par jour à noter. Et si vous avez tous les mots de passe, lundi prochain, quand Difool sera là, il fera un tirage au sort avec vous tous. Et il y en a un qui va repartir avec la totale des cadeaux du morning. C'est un iPhone 6S, un Samsung Galaxy S7, un chèque de 1 500 €, une PlayStation 4, des places de concert pour aller voir tous les concerts Skyrock qui déchirent Rihanna, Maître Gims, Nekfeu et Chris Brown. Et puis il y a aussi un séjour à Disney pour vous et 3 personnes de votre choix avec la totale, avec le transport, l'hébergement et les deux parcs. Skyrock Classic, ça continue avec Gangstar, c'est full clip. Gangstar à écouter, Jason Lil Wayne, c'est Down. Et attention, touchez surtout pas à la radio, je vous ai sorti Gomez et Dubois. Ronde de nuit sur Skyrock avec Amine. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Big L, rest in peace. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell, the more lies you sell. Now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I can return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip. If you wanna mess with this, Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. If you wanna mess with this, Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. So if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch an L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G, I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus more than ever I got my whole shit together. More than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fry. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip. If you wanna mess with this, Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. If you wanna mess with this, Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. So I suggest you take a rest. Attacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy. Blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back blow, I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya. I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower, make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya, play your position small soldier. My heart is colder, makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son. Nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch your dome already, cause this one might hit. Full clip. If you wanna mess with this, Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. If you wanna mess with this, the Gangstar, the best yet. I'm nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. To let it go, is down low for me. Down like her temperature, cause to me she's 0 degrees. She cold, over freeze. I got that girl from overseas. Now she's my Miss America. Now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave a side of me. Indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy. Yeah. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock Classics. Hey, ouais. Hey, Elton, Elton. Hey, c'est DJ Jet. Mets du bois. Pour Gomez et Dubois. Nouveauté. Oh, la loi. Gomez et Dubois. Ça s'appelle Route de Nuit. Gomez et Dubois. Mais c'est de la bombe, gros. Ouais. Bouge plus. Les G savent, les putes se sauvent depuis Cosette s'est fait marave. La violence monte au même riz que le FN. Et la FM joue du rap pour les cailles en BM. Pousse le son collègue, ici mes go. Un son brut pour le bled et le comico. Avec Mousset, évite les embrousser. Évite nos patrouilles, c'est évite d'avoir des coussets. L'esprit d'équipe, c'est la dream team. Et quand on débarque, ça chie dans les blue jeans. On fout la merde à chaque fois dans tous les bistrots. Et ça finit en balle trap dans les ghettos. Les jeunes nous aiment pas, moi je m'en bats. Moi aussi je viens de la France d'en bas. Gomez et Dubois, de flic au look d'enfer. Si tu nous cherches, tu vas crever dans la roche. Gomez et Dubois. Te guette, dans les couilles, dans la tête. Perquise à 6h du mat, j'inquiète. Pour rien, juste pour la fête. Parce que je suis une star, j'ai la grosse tête. Tout permis, sans permis. On s'amuse, on pleure, on rit, c'est ronde de nuit. J'ai le feeling à la Matrix, triple X, cristal pastis. Voici l'élite de la police. Gomez et Dubois. Kung Fu dans ta figure, tes papiers, tu les as pas. N'essaie pas de te cacher dans un club. Les Renault, les beurs, on les traque comme des deux. Pas de blague effilée. Ma plaque, tu l'embrasses, s'il te plaît. Signe les autographes sur mes PV. C'est qu'en la loi, ce soir, on bosse pas. Circuler, y'a rien à voir. Gomez et Dubois. Skyrock Classics tous les dimanches soirs entre 18h et 20h. Grosse émotion en écoutant ce son de Gomez et Dubois. Ronde de nuit, on fait un gros bisou à Momo de la Radio Libre qui est à l'hôpital, qui nous écoute en direct du lit. On l'a vu un peu, il suit l'émission. T'inquiète Momo, j'espère que ça va aller mieux. sur le son de Skyrock. Ça se poursuit tout de suite avec Estelle, Kanye West, une autre version Skyrock qui déchire, c'est American Boy. On retrouve Ayam aussi, elle donne son corps avant son nom. Et attention, Shingy maintenant, Writer sur Skyrock. Hey Dirty, what? Look at that girl right there. She make me say boom, boom. Down your hair. I like the way you do that right there. Make your lips when you're talking, that make me stir. Make me stir. I like the way you look in them pants, say you're fine. Lil' mama a quarter piece, she far from a dime. I'm the type of girl that'll get you up and go make you grind. I'm thinking about snatching her up dirty, making her mine. Look at her hips, what? Look at her legs, ain't she stacked? Stack. I sure wouldn't mind hitting that from the back. Back. I like it when I touch her cause she moan a little bit. Chain sagging so I can see her thong a little bit. I know you grown a little bit, 20 years old, you legal. Don't trip off my people, just hop in the Regal. I swoop on her like an eagle, swoop down on the prey. I know you popular, but you gon' be famous today, I say. I like the way you do that right there. Just look at her front and back. Man, she's so sad and she know that I want that. Her man, he's so whack. Girl, can I take your cat? Gave her 300 to strip, like buying the throwback. She stay in the club, like you'll be seen, she got it honest. In real life, girl, remind me of Pocahontas. She be at events, yeah. Out the press when she pass, yeah. All the high rolling cats wanna pay for that. Ain't no half stepping, strapped with a nice weapon. Trip, it's against the law for her to move them hips. If you ever seen a dirty, your mouth gon' drop. Worldwide fools probably tell you this all time. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way she doing that. Come on. Plus I like it when she bring it back. Say it. Ooh, what you? She doing that. Come on. Plus I like it when she bring it back. Say it. What you do? Woo. Give me what you got for a poke chop. She threw it at me like I was a showstop. Working in a fatty girl halter the top. Then she backed it up on me and let it drop. Drive. Make it hot, boing like a bunny. Bunny. Girl, can I touch you where it's sunny? Her appearance will make you give us some money. She's a post for Sports Illustrated. It's like a picture perfect sight. When she pass, all the other girls hate it. But I like the way you do that right there. Right there. Switch your hips when you walk and let down your hair. Down your hair. I like the way you do that right there. Right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir. Make me stir. I like the way you do that right there. Right there. Switch your hips when you walk and let down your hair. Down your hair. I like the way you do that right there. Killing them in the UK. Every everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be spoke. What? And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. What? And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the Gladys. And I know they love it. So they hit with all that rubbish. Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. On était assis à la terrasse d'un café. Relax. Le verre de Perrier sur la table, en train de déguster une glace. 9h du soir, la place était presque pleine. Mais pas assez pour ne pas voir arriver le phénomène. Méditerranée ennemie, c'est comme chez nous. Basse aiguë, à fond, ouh, elle envoyait la gantou. Elle est venue s'asseoir à côté de nous. Une clope d'usine. Toi, tu as ton mec. Nous, on n'est pas jaloux. De mettre 110 kilos. Il s'est pointé. Illico. Aussi sec. On est retourné à nos Perrier. Je suis pas fou, le type était balèze. Pas question de s'embrouiller, de se faire plier par Golgot 13. Mais la gadi reluquait. Ouais, regard à guichet. Elle essayait quand même de me faire du pied. Une vodka. La commande est passée. Son mec va au comptoir. Elle nous fait glisser un billet. Rendez-vous à 10h à votre appart. Dites-moi où c'est. Une copine va m'accompagner. Elle se leva la main crispée sur le papier. Un train est discret. La soirée était bien commencée, ouais. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Je préparais la pièce et les armures de latex. Les sticks de pomme, le son de tir sur le butex. Et moi à peine arrivé en bas. Quoi? Elles étaient déjà là. Ouais, la pure motivation, mon gars. Dans l'ascenseur, il ne faisait pas chaud. Mais une autre chaleur, leur fit déjà sauter les tricots. Elles arrivèrent dans la maison en Wonder Bra. Vision irréelle, fracture nette de l'œil droit. On leur proposa de boire ou de manger un truc. Un cappuccino de sucre roux. Elles aimaient le luxe. Je leur ai dit, excusez-moi, prenez-le bien, certes. Vous êtes raffinés, mais vous avez l'air de deux filles ouvertes. 10 secondes après, c'était la cavalcade. Et comme Jackie Chan, on a fait nous-mêmes nos cascades. Au matin, ce ne sont que des draps que j'ai sentis. Les cascadeuses étaient parties. En m'habillant, je palpais mes poches. Vide, plus de chèques, plus de cartes, plus de liquide. Le plan était simple et sans accro. Si on rattrape les gazières, on les éclate à coups de marteau. On a foncé au centre-ville. On a aperçu des filles pénétrer dans un bar américain. Devant la porte, il y avait le jeep du bar, la baraque. On a compris, mais trop tard, que ce mec était leur Mac. J'ai dû trouver un exutoire pour passer mes nerfs. Ouais, et un skin a morphé. Des coups de plaque et des guerres. Traitez les filles avec respect, mais attention. Prenez garde à celles qui ne donnent pas leur nom. Dans toutes les situations, sans sans inhibition. Elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations. Sans inhibition, elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations. Sans inhibition, elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations. Sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. J'avais sous-estimé son vice de haut niveau. Plus de chèques, plus de cartes, plus de liquide. J'avais sous-estimé son vice de haut niveau. Plus de chèques, plus de cartes, plus de liquide. J'avais sous-estimé son vice de haut niveau. Plus de chèques, plus de cartes, plus de liquide. J'avais sous-estimé son vice de haut niveau. C'est Skyrock Classics que vous écoutez, vous avez bien raison. Dimanche soir, 18h-20h, les meilleurs sons de Skyrock avec les Marseillais. Ayam, c'était Elle donne son corps avant son nom sur Skyrock avant de retrouver le Hit US. Ça se passe avec Stéphane, comme tous les dimanches, entre 20h et 21h. On se fait le classement des 10 titres rap R&B les plus vendus aux États-Unis. C'est juste avant la plus grande radio libre de France, à partir de 21h et jusqu'à minuit, avec Diffoul et toute l'équipe, les meilleurs moments mixés par Vincent. Il y a du son à écouter. Mike Will Made It, 23. Avec Miley Cyrus et Wiz Khalifa. Et attention, personne ne s'y attend, mais je vous ai ressorti Jay-Z, Linkin Park, Numb, encore. C'est Skyrock Classics que vous écoutez, entre 18h et 20h tous les dimanches. Radio Disneyland Paris. Les modes, automne-hiver. Les feuilles qui tombent. Les lèvres gercées. Les doigts tout bleus. 125 minutes. Allez, hop. Disneyland Paris passe en mode printemps. Wow. Les petits oiseaux qui chantent. Cui cui. Ah non, c'est Chouchou. Bizarre bizarre. C'est le train de Minnie avec tous ses amis, Miss Bunny, Pampan, Daisy. Oh, elle est vraiment trop jolie, Daisy. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout rouge. Bah c'est le printemps. Du 5 mars au 29 mai, découvrez le festival du printemps à Disneyland Paris avec le train de Minnie et plein d'autres surprises uniquement au parc Disneyland. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. I wanna know, I wanna know, baby. Busy, busy. If you wanna go, you wanna go, you wanna go, lady. Ladies. I wanna know, I wanna know, I wanna know, baby. If you wanna go, you wanna go, you wanna go, lady. Girl, come sing it pon me. And come swing it pon me. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. Un motel, un holiday inn. Oh, mais je t'appelle si tu me donnes ton fontel. Je t'emmènerai ni au Formule 1 ni à l'étape hôtel. C'est mon domaine dans le choix des hôtels, j'excelle. 5 étoiles minimum pour la plus belle demoiselle. Salle de bain avec jacuzzi, vue sur la paix. Room service, majordome et valet. Hôtel, ta place dans l'île de tes rêves. Cocktail exotique au bout des lèvres. Luking size pour t'aimer sans trêve. T'enlacer jusqu'à ce que la nuit s'achève. Girl, come sing it pour me. And come sing it pour me. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. Girl, come sing it pour me. Sing it for me. Up in a me hotel room. Girl in a me hotel room. Personally, I don't like when I'm lonely. Up in a me room by myself, that no funny. Why would I want to spend all that money and back to my room alone without a honey? When man in a light, I sun a peep through the gray. It nice for you, but girl in a your bed to start the day. Tony, real pimpin', rude boy, same thing with Lord Cohen, Nicky B and Chico, they make it. Girl, sing it for me. Yeah. And come sing it for me. Up in a me hotel room, girl in a me hotel room. Girl, come sing it pon me. And come sing it pon me. Up in a me hotel room, girl in a me hotel room. Personally, I don't like when I'm lonely. Up in a me room by myself, that no funny. Why would I want to spend all that money and back to my room alone without a honey? When man in a light, I sun a peep through the gray. It nice for you, but girl in a your bed to start the day. Boys Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it. J's or I be rocking Taylors. I got lots of flavors. My kick game is major. Point if you wanna get stoned. Got choppers if they want try me. Pro athlete, I'm not no wannabe. Waitress asked how many bottles. I said 23. Put on my J's. Like me. J's on my feet, you know. J's on my feet. We trap. J's on my feet. We trap. Yes, sir. So get like me. I stay showing out. My kick game is a beast. I got 30 pair of J's that ain't even been released. I'm so high. I got 3 bitches that go by. I'm so fly. I'm getting head like a blow dry. Put on my J's to dance the whole night. Skyrock Classics. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Fresher than whole, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberry still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open ahead with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations from these generations. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Made me to. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From RC to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. From record sales to sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking. Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches avec un extrait de l'album commun de Jay-Z et de Linkin Park. L'album s'appelait Collision Course et c'était Numb encore découvert en premier sur Skyrock. Moi ça me rappelle grave des souvenirs, j'étais à l'internat à cette époque, j'étais tout petit, j'avais 12 ans. Tiens, un message pour toi Stéphane. Salut Skyrock, je vous kiffe. J'espère que les animateurs ne vont pas changer. Et non, il est 20h le dimanche, le UTS c'est avec Stéphane bien sûr. Et on espère d'ailleurs. Et heureusement. C'est ouais. Une mauvaise nouvelle pour vous, pour nous aussi d'ailleurs. D'autant plus. Ouais ouais, le UTS, les 10 cartons rappeurs NBA State. Mais est-ce que Drake va conserver la première place? C'est ce qu'on va découvrir maintenant, la nouvelle révélation juste après Skyrock. Classiques, on se fait les 10 cartons rap R&B aux États-Unis, puis juste après c'est la spéciale de la radio libre de Diffoul. Exactement, à demain pour les dédicaces, ciao ciao. Allez, c'est parti. 14h à New York, 11h à Los Angeles.